être ou ne pas être, telle n'est pas la question pour tout le monde. Parfois, au début, au commencement, il n'y a rien. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Or Dieu dit, « Que la lumière soit faite. » Et la lumière fut faite. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il donna à la lumière le nom de jour, et aux ténèbres le nom de nuit. Et du soir et du matin, ce fut le premier jour. Au commencement, il n'y avait rien. Et ce rien n'était ni vide, ni vague. Il n'appelait rien d'autre que lui-même. Et Dieu vit que cela était bon. Pour rien au monde, il n'eût créé quoi que ce fût. Le rien faisait mieux que lui convenir. Il le comblait. Dieu avait les yeux perpétuellement ouverts et fixes. S'ils avaient été fermés, cela n'eût rien changé. Il n'y avait rien à voir, et Dieu ne regardait rien. Il était plein et dense comme un œuf dur, dont il avait aussi la rondeur et l'immobilité. Dieu était l'absolue satisfaction. Il ne voulait rien, n'attendait rien, ne percevait rien, ne refusait rien, et ne s'intéressait à rien. La vie était à ce point plénitude qu'elle n'était pas la vie. Dieu ne vivait pas, il existait. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Bonjour Amélie Nothomb. Bonjour Adèle Van Rett. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci de me recevoir. C'est un grand plaisir de commencer cette émission avec vous dans cette série sur le bébé, la philosophie du bébé et ce début de métaphysique des tubes dont je viens de lire un extrait. Au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, mais il y avait Dieu quand même. Et on apprend assez rapidement que Dieu, en fait, c'est un bébé. Que Dieu, c'est un bébé, et chose beaucoup plus grave, par la suite, on découvre que ce bébé, c'est moi. Donc c'est autobiographie en bébé mégalomane. Je précise tout de suite que je suis persuadée que tous les bébés sont Dieu. Je ne circonscris pas ce phénomène à moi-même. La seule différence entre moi et les autres, c'est que je me souviens particulièrement bien de cette époque. Probablement parce que je suis née presque anormale. J'étais une plante, j'étais parfaitement végétative, je ne bougeais pas et tout. J'étais extrêmement concentrée. Et je ne vais pas dire que je m'en souviens précisément, mais j'ai quand même, quand je descends dans mon sous-marin, dans ce que j'appelle le sous-marin de mon écriture, je retrouve cet état-là, cet état d'absolue satisfaction, de plénitude anormale, que j'ai conservé anormalement longtemps. Je vous rassure, ça s'est totalement arrangé par la suite, j'ai totalement perdu ma divinité, mais j'ai ce souvenir de mon état de Dieu, qui est celui, je le répète, de tout bébé, et j'en ai bien sûr la nostalgie. Donc c'est pas Dieu qui est un bébé, c'est le bébé qui est un Dieu. C'est le bébé qui est un Dieu. Et quand vous dites que vous vous souvenez... Alors, il y a des pics, bien sûr. Le pic le plus aigu, c'est le moment où je suis sortie de cet état-là, par la grâce du chocolat blanc, à l'âge de 2 ans et demi. Mmh. Ça, c'est un véritable souvenir, avec toutes les caractéristiques du souvenir. Mais je prétends aller si loin par le moyen d'investigation de l'écriture, par-delà la frontière de la mémoire, que même l'état d'avant, je prétends m'en souvenir. J'en ai des impressions qui ressemblent quand même furieusement à des souvenirs. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la journée où vous vous dites « Tiens, ça, c'est un souvenir de quand j'étais bébé ?» Oui. Oui, puis j'ai des souvenirs de grands bruits intérieurs, de grands fracas, de grandes voix de reconnaissance intérieure qui me viennent. Ça, je peux les situer vraiment dans la solitude de mon berceau. Des bruits intérieurs ? Oui, mais des bruits telluriques, hein, des bruits théogoniques. C'était Dieu qui parlait à travers moi et qui me disait des choses absolument énormes. Mais je le répète, je n'ai pas les moyens de prouver ce que j'avance, mais je suis persuadée que tous les bébés entendent des choses pareilles. Ça voudrait dire qu'au début, c'est pas qu'il n'y a rien, c'est qu'il y a une sorte de perfection, voilà, absolue, de plénitude, voilà, un être auquel rien ne manque, un être sans doute absolument nécessaire, et que le reste de la vie va être une lente dégradation de cet état de plénitude absolue, c'est ça ? C'est exactement ça. Au début, on est le bloc de marbre dont parle Maître Eckhart quand il dit que la statue est déjà contenue dans le bloc de marbre et qu'il appartient à l'artiste de voir la statue qui est déjà contenue. Et puis intervient ce qui est sans doute le plus grand mystère, à savoir le temps, dont Marguerite Yourcenar a bien raison de dire qu'il est le grand sculpteur. Et c'est le temps qui va commencer la sculpture, peut-être parfois avec l'aide des parents, si les parents sont bien inspirés. Et peu à peu commence la dégradation, c'est-à-dire la sculpture. Des parties sont enlevées de façon plus ou moins passive. Parfois c'est le bébé qui décide, parfois c'est la vie qui décide pour lui. Et c'est ainsi qu'on termine à l'état de statue plus ou moins ravinée. Alors vous disiez, au début du texte, vous dites bien « Dieu ne vivait pas, il existait ». Et hier, on parlait avec le pédopsychiatre Bernard Goltz du passage du bébé du sentiment d'être au sentiment d'exister. Ils existaient, c'est à partir du moment où on rentre en interaction avec autrui. Vous dites « Dieu ne vivait pas, il existait ». Qu'est-ce que vous entendez par ça ? Sans doute le même passage terminologique, sauf que pour moi, exister, être et vivre, c'est... Bon, vivre, pour moi, ça signifie... refuser. Dès l'instant où on est en état de choisir, c'est-à-dire de refuser, on commence à vivre. L'interaction suprême, c'est le refus. Je ne veux pas ça parce que je choisis ça. Donc, ça correspond tout à fait à ce qu'on disait tout à l'heure. La véritable plénitude, le véritable absolu, on ne l'a qu'au tout début, quand on n'a encore absolument rien refusé. Le bébé dans le ventre de la mère ne refuse rien, il prend tout. Une fois qu'il naît, il ne commence pas tout de suite à refuser. Le travail est très lent, mais ça commence ne serait-ce que par le travail du regard. Dès que le regard choisit de regarder quelque chose et donc de ne pas regarder quelque chose d'autre, il y a un premier refus que l'on peut identifier à la vie. C'est ce que vous dites d'ailleurs, hein. La vie commence là où commence le regard, or Dieu n'avait pas de regard. Ce qui est très troublant dans votre livre, Amélie Nothomb, mais c'est peut-être pour ça que vous l'avez appelé « métaphysique des tubes », c'est que toutes ces phrases-là ont un écho direct avec l'ensemble de l'histoire de la philosophie. Le Dieu que vous décrivez au début, c'est le Dieu de Spinoza, qui dans la première partie de l'éthique, la première partie s'appelle Dieu, justement, Dieu ou la nature, c'est la même chose pour Spinoza. La proposition 11, il écrit « Tout ce qu'une substance a de perfection, elle ne le doit à aucune cause étrangère. C'est pourquoi son existence doit aussi découler de sa seule nature et n'être autre chose que son essence elle-même. Ainsi donc, la perfection n'ôte pas l'existence, elle la fonde, c'est l'imperfection qui la détruit, et il n'y a pas d'existence dont nous puissions être plus certains que celle d'un être absolument infini ou parfait, savoir Dieu. » Qu'est-ce que c'est beau ! Mais c'est exactement ce que vous racontez au début de votre livre. Voilà, une paraphrase de Spinoza. Et aussi une moquerie du commencement de la Genèse, que je suis la première à trouver que le commencement de la Genèse est sublime. C'est ça. Mais il est tellement sublime qu'on peut s'en moquer. Oui, c'est ça, parce que vous parlez de Dieu en connaissance de cause. Dieu est très présent dans vos ouvrages, la religion chrétienne également. Quand vous identifiez le bébé à Dieu, certes, c'est comique, mais c'est sérieux aussi. Pour vous, Dieu signifie quelque chose. Ça signifie quelque chose. Il y a un surmoi familial. Les Nothomb sont une des familles les plus catholiques de Belgique. C'est un Nothomb qui a créé le Parti catholique belge. Bon, même si je ne fais pas partie de cette mouvance-là, je ne peux pas tout à fait m'en abstraire. La Bible a très, très tôt fait partie de mes lectures, continue de me nourrir. C'est un livre très intéressant. La Genèse ? La Bible ? Oui. Ouais. La Bible dans son ensemble, mais la Genèse est particulièrement fascinante, puisque ce n'est pas l'histoire d'un commencement, c'est l'histoire de deux commencements. La Genèse a à peine fini le premier commencement qu'elle nous raconte le deuxième commencement. Mm-hmm. Donc la nostalgie du commencement est nourrie par la Genèse, puisqu'il y a tout de suite deux commencements qui sont presque en contradiction l'un avec l'autre. Une main apparaît dans son champ de vision, mais stupeur. Il y a entre ses doigts un bâton blanchâtre. Dieu n'a jamais vu ça. Il en oublie de crier. C'est du chocolat blanc de Belgique, dit la grand-mère à l'enfant qu'elle découvre. En un soubresaut de courage, il attrape la nouveauté avec ses dents. La mâche, mais ce n'est pas nécessaire. Ça fond sur la langue, ça tapisse le palais, il en a plein la bouche. Et le miracle a lieu. La volupté lui monte à la tête, lui déchire le cerveau et y fait retentir une voix qu'il n'avait jamais entendue. C'est moi qui vis, c'est moi qui parle. Je ne suis pas il ni lui, je suis moi. Tu ne devras plus dire il pour parler de toi, tu devras dire je. Et je suis ton meilleur ami, c'est moi qui te donne le plaisir. Ce fut alors que je naquis à l'âge de 2 ans et demi, en février 1970, dans les montagnes du Kansai, au village de Shukugawa, sous les yeux de ma grand-mère paternelle, par la grâce du chocolat blanc. Je suis fou du chocolat lanvin. Dali aussi adore le chocolat, Amélie Nothomb. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, la pub pour le chocolat lanvin. Alors voilà le point de bascule de votre livre. Pendant les 35 premières pages, ce bébé végète, on l'appelle la plante, il ne bouge pas, il ne parle pas, il n'a pas de regard, il ne pleure pas. Si on ne lui proposait pas de nourriture, il ne mangerait pas. Et soudain, un jour, on lui propose une barre de chocolat blanc et c'est la révélation par ce mélange de beurre et de sucre. Enfin, l'existence a un sens et il naît, vous naissez véritablement à c'est ce ça. Moment-là. C'est ça, le moi apparaît grâce au plaisir. Le plaisir qui est une révélation non seulement du sens de la vie, mais une révélation identitaire. Moi, c'est la personne qui éprouve tout ce plaisir. C'est le siège du plaisir, conquête très très importante. Et qui continue à commander votre vie aujourd'hui. Ah oui, oui, oui. Bon, j'ai découvert d'autres plaisirs, même si je suis toujours très attachée au chocolat blanc. Mais c'est vrai que je me suis créé tout un système de récompenses. Pour moi, maintenant, la récompense suprême, c'est le champagne. Certains champagnes qui déclenchent en moi des plaisirs sans cesse recommencer. Donc, je me dis, voilà, si tu fais tout ce que tu as à faire aujourd'hui, tu auras droit à ce formidable champagne. Et donc l'irruption du plaisir dans votre vie, c'est le passage du dieu de Spinoza au sage épicurien, disant finalement le plaisir peut aussi guider l'existence. Bien sûr, mais sans principe de plaisir, je me demande bien ce que je serais devenue. Ma mère avait des convictions diététiques qui fait que j'aurais très bien pu continuer à végéter toute ma vie. Et puis heureusement, la grand-mère est venue m'apprendre qu'il existait d'autres nourritures que les carottes bouillies. Du coup, explosion et choix de vie et en même temps perte d'un certain absolu, d'une certaine perfection due. Comme si le plaisir était l'envers de l'imperfection finalement, c'est ça. Il faut être imparfait pour avoir du plaisir. Il faut être, ça c'est certain. Dieu n'a pas de plaisir. Dieu n'a pas de plaisir, c'est sûr et certain. Et à quel moment est-ce que cet élément déclencheur qui vous fait vivre va être pour vous s'imposer comme une nécessité d'écriture, de traduction de ce que vous avez vécu. Puisque vous le dites, tout ça, vous l'avez vécu. Le chocolat blanc, j'imagine, oui, c'est un souvenir c'est réel. Vécu, bien sûr, voilà. Tout ça est du réel. Oh, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps. L'appropriation de l'écriture a pris énormément d'années. Je ne suis pas du tout un écrivain hâtif. Je n'ai pas écrit une ligne avant l'âge de 17 ans. Et même à l'âge de 17 ans, il a fallu beaucoup de temps pour que cette écriture devienne du plaisir. Sans le savoir, j'écrivais pour me reconnecter avec mon corps, puisque j'avais totalement perdu mon corps en chemin. Je vous raconterai pas tous les détails, mais l'écriture a réussi ça. L'écriture m'a reconnecté avec mon corps et donc est devenue un plaisir. Ce n'est pas rien qu'un plaisir, écrire est terriblement difficile. Mais l'écriture est devenue intéressante quand elle est enfin devenue la sensation extrêmement physique que je rêvais qu'elle soit. Au départ, c'était un pur exercice intellectuel et d'ailleurs ça se sent. Enfin, je suis la seule à connaître mes premiers écrits puisque mes 11 premiers manuscrits n'ont été montrés à personne. Mais c'était des manuscrits dont le corps était absent. Hygiène de l'assassin, qui est le premier roman que j'ai publié, est un roman d'appropriation du corps. Et ça coïncide avec un plaisir absolument fulgurant. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le lecteur, mais Hygiène de l'assassin est un livre qui a été écrit dans un plaisir phénoménal, où le corps était omniprésent. C'est pas pour rien que la principale figure d'Hygiène de l'assassin est un obèse. C'est parce que c'est la découverte du corps, donc un corps qui prend toute la place. Donc il y a un lien à faire entre l'écriture et le chocolat blanc. Complètement. Ce sont pas des plaisirs de même nature. L'écriture est un plaisir beaucoup plus difficile que le chocolat blanc. Mais ils sont quand même tous les deux de l'ordre du plaisir. Donc au fond, ce qui fait sortir de l'état de bébé, c'est tout ce qui consiste à faire de soi un individu qui a aussi un corps. Parce que ce que vous décrivez au début du livre, on parle de Dieu, mais c'est aussi un tube. Hein, c'est ça. Il y a les deux, c'est ou Dieu ou tube. C'est dans ça. Les deux cas, c'est un être qui n'a pas de corps. C'est un être qui n'a pas de corps parce qu'il laisse tout passer. Il ne retient rien. Rien ne mérite d'être gardé. C'est aussi d'ailleurs un état assez grisant. Hein. Je pense qu'il nous est tous arrivé de connaître cet état-là. On est une espèce de filtre qui ne retient rien. C'est pas très intéressant. intéressant, mais ça, il y a certainement une griserie à cet état. Mais voilà, dès l'instant où apparaît le principe du plaisir, apparaît aussi le choix. Ouais. On choisit de plus en plus de plaisir, donc on refuse de plus en plus d'autres états. Mais vous dites que c'est dans l'écriture aussi que vous vous appropriez votre corps, et c'est intéressant parce qu'on distingue souvent l'écriture, le travail de l'écrivain qui serait abstrait, qui serait une manière de se tourner vers l'esprit, de justement de tout ce qui concerne le corps. Alors vous dites l'écriture, c'est la réappropriation du corps, c'est un exercice qui est d'abord physique, c'est ça ? C'est un exercice qui est d'abord physique, et il va de soi que cette réappropriation du corps n'a aucun intérêt si le corps n'est pas spiritualisé. L'existence n'a d'intérêt que dans un corps spiritualisé. Ne vivre que le corps, c'est pas plus intéressant. Mmh. Mais dans mon cas, me réapproprier le corps, ça a consisté aussi à avoir enfin un esprit, parce que réellement, après une tragique anorexie qui a régné en maîtresse sur mon adolescence, je n'avais ni corps ni esprit. Donc, il fallait tout se réapproprier. Là encore, c'est une perspective spinoziste sur votre propre existence, puisque le corps et l'esprit sont le deux noms de la même substance chez Spinoza. Je suis tellement d'accord avec ça. On va écouter un texte qui compare justement le travail de l'écriture au travail de l'enfantement. Car il me semble que pour vous, Amélie Nothomb, alors c'est clair dans Métaphysique des tubes, mais aussi dans le reste de vos ouvrages, écrire un livre est très proche de l'acte d'enfanter. Vous allez nous dire dans quelle mesure finalement ces bébés peuvent se distinguer. Écoutez, c'est un extrait des lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Les œuvres d'art sont d'une infinie solitude. Rien n'est pire que la critique pour les aborder. Seul l'amour peut les saisir, les garder, être juste envers elles. Donnez toujours raison à votre sentiment à vous contre ces analyses, ces comptes rendus, ces introductions. Eussiez-vous même tort, le développement naturel de votre vie intérieure vous conduira lentement avec le temps à un autre état de connaissance. Laissez à vos jugements leur développement propre, silencieux. Ne le contrariez pas, car comme tout progrès, il doit venir du profond de votre être et ne peut souffrir ni pression ni hâte. Portez jusqu'au terme, puis enfantez. Tout est là. Il faut que vous laissiez chaque impression, chaque germe de sentiment mûrir en vous, dans l'obscur, dans l'inexprimable, dans l'inconscient, ces régions fermées à l'entendement. Attendez, avec humilité et patience, l'heure de la naissance d'une nouvelle clarté. L'art exige de ses simples fidèles autant que des créateurs. Le temps ici n'est pas une mesure. Un an ne compte pas, 10 ans ne sont rien. Être artiste, c'est ne pas compter. C'est croître comme l'arbre, qui ne presse pas sa sève, qui résiste, confiant au grand vent du printemps, sans craindre que l'été puisse ne pas venir. L'été vient, mais il ne vient que pour ceux qui savent attendre, aussi tranquilles et ouverts que s'ils avaient l'éternité devant eux. Je l'apprends tous les jours au prix de souffrances que je bénis. Patience est tout. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous parlons du bébé cette semaine. Nous essayons d'esquisser une philosophie du bébé qui n'existe pas dans l'histoire de la philosophie. D'ailleurs, il faut aller la chercher sous forme de métaphores. L'accouchement, l'enfantement sont des métaphores que l'on retrouve beaucoup dans l'histoire de la pensée. Et aujourd'hui, en compagnie de l'écrivain Amélie Nothomb, pour qui, alors vous allez nous le dire, en lien avec ce texte de Rilke, l'écriture est un acte d'enfantement, n'est-ce pas ? Mais je suis tellement d'accord et ça me fait tellement plaisir que vous ayez choisi ce texte de Rilke que j'écoutais en tremblant, parce que c'est d'avoir lu Rilke qui m'a autorisé à écrire. Je n'aurais jamais osé écrire, je ne me serais jamais autorisé à écrire s'il n'y avait pas eu l'être à un jeune poète de Rilke que j'ai découvert à 17 ans. Oui, c'est un enfantement, la métaphore est parfaite. Bon, je n'ai pas de point de comparaison, je n'ai jamais eu de bébé de chair, mais j'ai quand même l'intuition que la métaphore est parfaite parce que elle dit bien, entre autres choses, le peu de choix que l'on a. S'agissant des grossesses de papier, Il n'y a pas tellement de planning familial. Hein. Il n'existe pas de moyens contraceptifs. En tout cas, je n'en ai jamais trouvé. Donc, quand je suis enceinte, eh bien, je suis enceinte. Il n'y a d'autre choix que de porter la créature et de la porter si possible jusqu'à son terme. Jusqu'à présent, j'ai porté toutes mes créatures à leur terme. Le maximum de choix que j'ai par rapport à ces grossesses, c'est éventuellement de ne pas les montrer, ce qui est le cas le plus fréquent, puisque l'immense majorité de ce que j'écris n'est pas montré. Et aussi, L'immense majorité. Vous avez tellement publié déjà. J'ai publié 30 livres alors que je suis enceinte pour la 104e fois. À vous compter. Je compte. Oui, alors c'est mon seul. Je suis désolée, Rilke a tout à fait raison. Il faut pas compter, mais moi qui ne compte rien, là pour le coup, c'est inévitable que je sais pas. C'est peut-être le phénomène mère de famille très nombreuse. Je peux pas m'empêcher de les compter. Être sûr qu'ils sont bien tous là. Mais sinon, tout ce qu'il dit est tellement vrai. Se donner le droit. La patience, les propos sur la patience sont tellement beaux. Et aussi sur le fait que c'est le créateur qui a forcément raison. Tous les jours, je reçois énormément de lettres de lecteurs, parmi lesquelles il y a des choses merveilleuses, mais lesquelles il y a aussi toujours une certaine proportion de conseils. C'est très troublant. C'est certainement très aimable. On me veut du bien, ça, je n'en doute pas. Mais j'ai toujours envie de dire, mais quand bien même vos conseils seraient les meilleurs, que croyez-vous que je puisse en faire ? Et donc, c'est pas qu'on vous demande conseil, c'est qu'on vous donne des conseils. On m'en donne, oui, on m'en demande aussi. Mais c'est d'ailleurs tout aussi troublant. Mais quand on m'en donne, je ne sais qu'en faire. Même si le conseil est excellent et terriblement bienveillant. Enfin, vous, Adèle, qui avez été deux fois enceinte, si on vous disait, moi je pense que tu devrais plutôt nous faire un petit blond, enfin qu'est-ce qu'on peut faire? Même si on a envie de donner raison à la personne en face de soi, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est pareil pour les livres, vous ne choisissez pas. Voilà, le maximum qu'on puisse faire, c'est de se garder dans un minimum de raison pour ne pas enfanter d'un fou furieux, de se nourrir plus ou moins bien pour que la créature soit en bonne santé, de s'octroyer un minimum de repos là aussi pour que la créature soit viable. Mais pour l'essentiel, c'est la créature qui choisit. On est habité de quelque chose qui choisit à sa place. Le cas de Métaphysique des tubes a été particulièrement troublant. Je sentais que j'étais enceinte, c'était loin d'être ma première grossesse, mais je ne savais pas du tout de quoi j'étais enceinte. Mais pour le coup, pas du tout. Il est normal qu'on ne le sache pas très bien de quoi on est enceinte. Mais là, je n'en savais rien. Et je commençais à... vous avez lu tout à l'heure le début de Métaphysique des tubes. Donc je vois cette parodie de la Genèse et je me dis, mais de quoi suis-je en train de parler? Il m'a réellement fallu une trentaine de pages pour commencer à comprendre que je parlais de moi. Au début, je n'en savais rien. Jusqu'au chocolat blanc, d'ailleurs. Voilà, le chocolat blanc m'a permis de m'identifier totalement à mon sujet. Mais alors, jusqu'où tient ce... Enfin, c'est même plus une métaphore chez vous. Vos livres sont vos bébés. Alors, comment ça se passe? Vous avez des symptômes quand vous êtes enceinte? Oui, alors, il faut préciser que je suis enceinte tout le temps. Puisque je tombe enceinte du suivant quand je n'ai pas encore fini d'accoucher du précédent. La première chose que je fais quand j'écris le mot fin en bas d'un manuscrit, c'est que à la seconde, je commence le suivant. C'est vraiment quand je dis la seconde, c'est à la seconde. C'est même une éthique chez moi. Donc ça fait tellement longtemps que je n'ai plus vécu l'absence de grossesse que je ne sais même plus quel effet ça fait. Je pense que ça coïnciderait chez moi à une très grande angoisse de ne plus être enceinte. Et Dieu merci, il n'existe aucune limite d'âge pour ce genre de grossesse-là. Donc oui, les symptômes sont... Le principal symptôme, on le connaît, c'est qu'on est habité. On sent une présence en soi. Cette présence est à la fois très apaisante et très angoissante. Et c'est ce qui domine, c'est une curiosité phénoménale. On veut savoir... ce qui nous possède, de qui nous sommes la possession. Et comment ces enfants sont-ils fécondés? Ah, dans mon cas, c'est un très grand mystère. Il y a des cas où je peux l'identifier. Bon, le cas de mon livre que j'ai publié à la dernière entrée, c'est la mort de mon père qui m'a rendue enceinte de mon livre. C'est très particulier comme façon de tomber enceinte, mais au moins c'était identifiable. Le plus souvent, je ne sais même pas ce que c'est. Ma seule certitude, c'est que le plus souvent, ce sont de très petites choses. C'est rarement de grandes choses qui rendent enceinte. Ça peut être des tout petits détails, ça peut être une bribe lue dans le journal, ça peut être encore moins que cela. Et vous savez toujours que donc vous êtes en permanence enceinte. Est-ce que vous savez combien de temps durent les grossesses? Est-ce que c'est toujours la même durée? Oui, elles ont toujours à peu près la même durée, environ 4 mois. Ah oui, c'est rapide. C'est oui. Vous êtes enceinte 3 fois par an. Exactement. Et vous rencontrez vos livres comme on rencontre un enfant, vous le découvrez, vous avez l'objet entre les mains? Oui, c'est ce qui fait que le plus souvent j'attends d'avoir la créature entre les mains pour lui donner un titre. Je procède comme les mères esquimaux qui attendent de voir la gueule du bébé pour se dire tiens, il a une tête à s'appeler Athanase. Moi j'attends de voir la créature entière, lui tiens, au fond, ce bébé pourrait bien s'appeler Métaphysique des tubes. Et vous avez quel rapport avec vos bébés ensuite? Un rapport, c'est un coup de foudre, c'est ambivalent, ça dépend des bébés? Ça dépend infiniment des bébés. Et la seule chose qui me rassure, c'est que ce sont des relations évolutives. Quand bien même ça commencerait très mal, ce qui peut très bien se produire, hein, quand bien même ce serait le contraire d'un coup de foudre, je sais que ça évolue. Il est très très, il n'est même jamais arrivé que je reste longtemps dégoûté d'un enfant. Je parle de tous, y compris de ceux que je ne publie pas. La phase de dégoût est très fréquente. Et je sais que parfois, il faut simplement que je m'éloigne de mon bébé parce que là, je vais être une mauvaise mère parce que mon bébé va sentir qu'il me dégoûte. C'est pas grave, je m'éloigne un petit peu de lui. Je sais que le dégoût finit toujours par passer. Bah, l'avantage, c'est que et c'est peut-être la limite de la comparaison avec le bébé, c'est qu'il ne vous demande plus rien une fois qu'ils sont nés. S'il vous demande d'en parler... La promotion. Ceux que je ne publie pas, en effet, ne me demandent plus rien, encore que je crois que le lien qui consiste à les garder chez moi dans des armoires est quand même un lien très fort et c'est une protection. Je pense que je suis une bonne mère aussi en ne publiant pas la majorité de ce que j'écris, parce que la plupart de mes bébés ne sont tout simplement pas destinés à la lumière. Mais ceux qui sont destinés à la lumière, là, je pense que je suis une bonne mère. Hein. Je les accompagne, même quand ils me dégoûtent, et je cache mon dégoût. Mais ils le sentent, les bébés sentent tout. J'imagine, mais je leur dis aussi, t'inquiète pas, le dégoût passera, l'amour l'emportera. La mort, je savais ce que c'était. Cela ne me suffisait pas à la comprendre, j'avais des tas de questions à poser. Mais le problème était qu'officiellement, je disposais de 6 mots, dont 0 verbe, 0 conjonction, 0 adverbe. Difficile de composer des interrogations avec ça. Certes, en réalité, dans ma tête, j'avais le vocabulaire nécessaire. Mais comment passer, en un coup, de 6 à 1000 mots sans révéler mon imposture? Par ici? D'accord. Dès le début, il a hurlé après les gens, menant tout le monde à la baguette. Où est le biberon? Il faut lui donner son biberon! Tout le monde était à ses petits pieds potelés. Tout le monde, sauf moi. J'ai déjà bien avancé avec les parents. Oh, la procédure standard. Privation de sommeil, grève de la faim. Ils sont totalement largués. Ils me mangent dans la main. Ils sont au petit soin avec moi. C'est trop marrant. Mais je pense que le gamin pourrait me griller. On y va, bébé de l'enfer! Prout, cacaboudin! Faut que je m'occupe du GMIN. Tu sais parler? Dada? Non, tu sais parler pour de vrai, je t'ai entendu. D'accord, je sais parler. Voyons si tu sais écouter. Apporte-moi un double expresso et cherche s'il y a des sushis corrects dans le coin. Je tuerai pour un maquis ton piment à l'heure qu'il est. Prends-toi un petit quelque chose. Mais qui es-tu? Disons que je suis le boss. Le boss? T'es un bébé, tu portes une couche. Tu sais qui d'autre porte des couches? Les astronautes et les pilotes de course. Voilà qui emporte. Ça s'appelle de l'efficacité, Templeton. Alors tu la fermes, tu me lâches les baskets. Sinon ça pourrait bien dégraisser. Le propre du bébé, c'est qu'on ne sait jamais qui il est. En témoigne cet extrait du film Baby Boss, qui est sorti en 2017, où le bébé avec sa couche se révèle être au fond un homme d'entreprise, un boss, vraiment un chef. La métaphore est bien choisie puisqu'un bébé qui naît effectivement impose son rythme de vie à tout le monde. C'est lui qui décide. Mais surtout dans l'extrait qu'on a entendu, Amélie Nothomb, on voit que le bébé sait parler, mais qu'il fait semblant de ne pas savoir parler. Dans Métaphysique des tubes, et j'en ai lu un court extrait, c'est pareil. Ce dieu, ce tube, ce bébé réfléchit sur la mort. Finalement, on n'a pas beaucoup de vocabulaire à sa disposition, mais va révéler à ses parents le fait qu'il sache parler très tard, comme une espèce de manipulation ici. Oui, parce que quel est l'intérêt de montrer à ses parents que l'on sait parler? Dès l'intérêt qu'on donne prise au dès l'instant où on donne prise au langage, on peut non seulement donner des interactions, mais en subir, obéir à des ordres. Voilà, range ta chambre n'est jamais loin. Donc c'est beaucoup plus intéressant de pratiquer la rétention. Et puis on est un objet de désir beaucoup plus longtemps quand on pratique la rétention. Ah, vous croyez ? Oui. Je suis sûre que je le sentais étant bébé. Voilà, se faire prier pour parler, de même que l'on se fait prier par son éditeur pour apporter un manuscrit. Ah, l'éditeur joue le rôle de parent. Ce sont mes nouveaux parents. Et alors, dans l'extrait que j'ai lu, justement, le lien avec le langage arrive avec une espèce de prise de conscience. On a vu le chocolat blanc, il y a un deuxième événement, c'est la prise de conscience de la mort. Au fond, elle est présente dès le départ. Ce bébé sait déjà qu'il va mourir. Il le dit, hein, il dit la mort, j'avais examiné la question de près, la mort c'était le plafond. Puisque le bébé passe 2 ans allongé dans un lit à regarder les fissures du plafond, pour lui c'est ça l'image de la mort. La seule chose c'est qu'il ne peut pas vraiment la nommer, il ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, mais il a une conscience aiguë de sa finitude. Et heureusement, la situation de ce bébé est telle qu'il trouve un interlocuteur pour échanger autour de la mort, et cet interlocuteur c'est la nounou. Or la nounou parle japonais, puisque le bébé se situe au Japon. Et donc d'emblée, dès la découverte du langage, il y a 2 langues qui s'imposent au bébé, et il va en choisir une. Oui, la langue japonaise, bon, dont je sentais instinctivement qu'elle était la langue parlée dans le pays où j'étais, oui. Et qui présentait plus d'avantages, puisque aux yeux des Japonais, c'est officiel, le bébé est un dieu. Tout enfant de moins de 3 ans est considéré comme une divinité au Japon. Donc évidemment que je vais choisir le camp de ceux qui ont tout de suite compris que j'étais une divinité, alors que je sentais bien que du côté des parents belges, ça n'allait pas de soi, d'autant plus qu'il y avait déjà 2 enfants plus âgés. Votre frère et votre sœur. Mon frère et ma sœur, qui eux, n'étant pas nés au Japon, ne faisaient pas partie de ce peuple qui divinisait les enfants. Donc c'était plus intéressant pour moi de cultiver ma part japonaise. D'autant que votre nounou vous parlait en permanence des morts de la guerre. Voilà, ma nounou avait connu la guerre 40-45 et elle avait vu mourir un nombre considérable de Japonais dans des bombardements. Et elle m'en parlait très naturellement. La mort n'est pas un sujet obscène au Japon. On en parle facilement aux petits-enfants. Et puis, je comprends très bien cette logique. Un petit enfant qui nous dit qu'il ne nous vient pas de la mort. L'avant-vie, c'est peut-être la mort. C'est d'ailleurs une conception qui va très bien avec la conception japonaise de la réincarnation. Enfin, donc, parler de la mort à un tout petit enfant, c'est lui parler de ses origines, c'est tout à fait normal. Oui, vous le dites, hein, cette nounou, elle avait vraiment de belles histoires à raconter. Les corps, ils finissaient toujours en morceaux. Alors, ça fait rire et en même temps, on sent bien que c'est ça qui éveille ce bébé, au fond. Bien sûr, c'est absolument fascinant, les histoires de bombardement où on retrouve les corps démembrés. Ça aussi, c'est une chose qui parle beaucoup au petit enfant qui n'a pas encore forcément conscience de l'intégrité de son corps et qui peut rêver à la dislocation de son corps. Alors, comment s'effectue dans le cerveau d'un enfant le choix d'une langue à l'autre et comment le fait de parler 2 langues, puisque vous le dites aussi, vous avez choisi de parler japonais, va déterminer ensuite le rapport à l'écriture? C'est une question que s'est posée un écrivain japonais que je vous propose d'entendre maintenant. Vous nous direz ensuite qui est-ce. Je me suis rendu compte que de temps à autre, je parlais à ma chienne en français et de temps à autre, dans d'autres occasions, je lui parlais en japonais. Mais en moi, il y avait 2 hommes différents en quelque sorte. Quand je m'exprimais en japonais avec ma chienne, j'étais comme un enfant de 3 ou 4 ans. Non, j'étais un adulte, mais qui employait les expressions enfantines. Et puis, quand je m'exprimais en français, c'était tout à fait différent. C'était une sorte de dialogue d'adulte, en quelque sorte, parce que je ne sais pas parler, je ne sais pas utiliser ce registre enfantin en français. Le français, c'est une langue que j'ai commencé à parler en tant qu'adulte, et je n'ai pas vécu mon enfance en français. Ça, c'est quelque chose de fondamental, à mon avis. Quand je parle en japonais avec ma chienne, je suis comme une sorte de protecteur, une sorte de père, qui, en parlant avec sa fille, épouse le registre enfantin. Est-ce que vous avez reconnu cette voix, Amélie Nothomb ? Akira Mizubayashi. Qui est-il ? Et c'est un écrivain japonais qui a appris le français à partir de ses 18 ans et qui est un phénomène du bilinguisme tout à fait anormal. Déjà, qu'il faut bien le dire, le bilinguisme, ce n'est pas une vertu très japonaise, mais on a envie de dire que personne sur Terre n'est aussi profondément bilingue que Akira Mizubayashi. C'est vraiment un drôle de cas. Et ces livres sont de pure merveille. Il faut le lire parce que c'est vraiment une âme très raffinée, un esprit très délicat. Et voilà, qui cultive ces deux langues, aussi bien le japonais que le français, de manière absolument sublime. En gros, c'est l'amour de Jean-Jacques Rousseau qui l'a amené à l'amour de la langue française. Il a décidé d'apprendre cette langue grâce à Jean-Jacques Rousseau. On ne peut pas imaginer de plus belle histoire d'amour linguistique que celle de Akira Mizubayashi. Et il dit qu'il est deux personnes différentes, selon qu'il parle français ou japonais. Vous avez la même sensation ? J'ai la même sensation, d'autant plus que j'ai assez vite cessé de parler le japonais puisque je l'ai quitté le Japon à l'âge de 5 ans. J'y suis retournée à l'âge de 21 ans, mais il était bien tard. Donc j'ai l'impression que quand je parle japonais, je suis un tout petit enfant. Même si j'ai réappris le japonais en tant qu'adulte, quand je parle japonais, je suis un tout petit enfant. Mais vous avez remarqué que Mizubayashi parle de sa chienne comme vous parlez de vos enfants, enfin de vos livres, c'est et comme vrai. Les autres personnes parlent des enfants. C'est peut-être vrai, c'est bien la preuve que mes livres sont mes enfants et c'est sans doute aussi pour ça que je n'ai pas d'animal familier. Ah oui, il joue ce rôle-là, ce double rôle. Mes livres jouent à peu près tous les rôles dans ma vie. C'est pas pour rien que j'écris absolument tous les jours de ma vie, j'ai besoin tous les jours de cette connexion. Vous avez déjà essayé de ne pas écrire ? Oui. Un seul jour. Ça a été un désastre absolu. C'était en 97, un dimanche matin. J'étais fatiguée parce que j'étais en promo. J'ai essayé le dimanche matin d'une personne normale, café, croissant, lit avec un bon livre. Ça a été un désastre. En moins de temps qu'il ne fallait pour le dire, j'ai régressé jusqu'à l'âge de 13 ans et demi. J'ai retrouvé la crise pubertaire à son pic. Donc j'ai bien compris, plus jamais ça. Donc depuis, vous écrivez chaque jour ? Tous les jours. Sans exception. Alors la question se pose de savoir quel est le pire état dans la vie justement, puisqu'avec beaucoup d'ironie vous le décrivez dans Métaphysique des tubes, le passage donc de Dieu au bébé qui parle, et donc avec la connaissance de la mort qui vient immédiatement, une tentative de suicide sans doute que vous racontez, cette toute petite fille qui va se jeter dans la mare, hein, parce oui. qu'elle voit des carpes qu'on lui a offert, on croit que les carpes c'est quelque chose qui lui plaît alors qu'en fait ça la dégoûte. C'est ça. Et de désespoir elle se laisse tomber dans l'eau. Exactement. Et au Japon, la tradition veut qu'on ne sauve pas oui. quelqu'un qui s'apprête à mourir, c'est ça ? C'est ça, parce que sauver la vie de quelqu'un, c'est lui faire contracter une dette beaucoup trop importante par rapport à vous. Donc il est plus généreux de laisser mourir la personne plutôt que de lui sauver la vie. Je parle de la tradition, hein, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Or, la gouvernante qui avait assisté à ma tentative de suicide était une vieille dame, donc elle était à fond dans cet état d'esprit. Par ailleurs, elle ne m'aimait pas, donc elle avait deux raisons de me laisser mourir, donc j'ai bien failli y rester. Et j'en ai un souvenir aigu, j'étais là sous l'eau et c'était pas du tout tragique. J'attendais patiemment la mort et puis est arrivée ma nounou, celle qui m'aimait, et à la toute dernière seconde, elle m'a sauvé la vie. Au contraire, d'ailleurs, vous dites que c'est un état très agréable, qui ressemble presque à l'état du début. Hein, quand c'est ça, le c'était bébé une retrouvaille avec l'état absolu. Alors figurez-vous que cet état est décrit par au moins une autre personne qui n'est pas Dieu, qui aurait aimé l'être et qui parfois se prend pour Dieu lui-même, qui, lorsqu'il est sur une barque et se laisse aller au gré d'une rivière très calme, ressent ce qu'il appelle le sentiment de l'existence et qu'il décrit avec des termes de plénitude, de bien-être, de perfection très proches de ceux que vous utilisez. Cette personne, c'est Jean-Jacques Rousseau. Écoutez. S'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière et rassembler là tout son être, sans avoir besoin de rappeler le passé ni d'enjamber sur l'avenir, où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours, sans néanmoins marquer sa durée, et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation, ni de jouissance, de plaisir, ni de peine, de désir, ni de crainte, que celui seul de notre existence, et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière. Tant que cet état dure, celui qui s'y trouve peut s'appeler heureux, non d'un bonheur imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu'on trouve dans les plaisirs de la vie, mais d'un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l'âme aucun vide qu'elle sente le besoin de remplir. Tel est l'état où je me suis trouvé souvent à l'île de Saint-Pierre dans mes rêveries solitaires. Soit couché dans mon bateau que je laissais dériver au gré de l'eau, soit assis sur les rives du lac agité, soit ailleurs au bord d'une belle rivière ou d'un ruisseau murmurant sur le gravier. De quoi jouit-on dans une pareille situation? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Tant que cet état dure, on se suffit à soi-même comme Dieu. Le sentiment de l'existence, dépouillé de toute autre affection, est par lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix, qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce à qui saurait écarter de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse nous en distraire et en troubler ici-bas la douceur. Mais la plupart des hommes, agités de passions continuelles, connaissent peu cet état et, ne l'ayant goûté qu'imparfaitement durant peu d'instants, n'en conservent qu'une idée obscure et confuse qui ne leur en fait pas sentir le charme. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et oui, nous parlons du bébé, cette semaine philosophie du bébé, ce matin en compagnie d'Amélie Nothomb et ce texte de Rousseau, hein, l'extrait de la cinquième promenade des rêveries du promeneur solitaire est absolument sublime. C'est sublime, c'est que quand j'entends des gens qui n'aiment pas Rousseau pour des raisons morales, moi j'ai toujours les cheveux qui se dressent sur la tête, j'ai envie de dire mais qu'est-ce qu'on s'en fiche de la vie de Rousseau? Lisez Rousseau. C'est... Oui, parce que Rousseau est connu pour avoir abandonné ses enfants. C'est ça, c'est toujours la même histoire, mais bon, je m'en fiche, c'est perdument qu'il ait abandonné ses enfants, vous avez vu, enfin... Qui écrit comme ça? Qui écrit comme ça? Est-ce que qui faut-il être pour ne pas entendre que qu'on a rarement écrit aussi bien, aussi sublimement que Rousseau? Et puis en plus ce passage-là, vous le connaissiez? Mais je l'avais lu il y a très très longtemps, je l'avais complètement oublié, donc je vous rends grâce de le faire revenir à ma mémoire. C'est une perfection totale. C'est ça, qu'il décrit lui-même d'ailleurs. Le texte est à l'image de ce qu'il décrit. Et alors c'est intéressant parce que vous racontez dans Métaphysique des tubes que c'est la proximité de l'eau qui vous met face à la mort. Il y a d'ailleurs un autre épisode de noyade avant la tentative de suicide dans le livre. Ici, justement, Rousseau dit que ce sentiment de plénitude absolue qui ne laisse dans l'âme aucun vide qu'elle sente le besoin de remplir, ce sentiment s'empare de lui lorsqu'il est couché dans son bateau qu'il laisse dériver au gré de l'eau, ou assis sur les rives du lac agité, ou au bord d'une belle rivière. Dans tous les cas, il y a la métaphore aquatique. Enfin, c'est pas une métaphore, c'est la proximité de l'eau qui le rend aussi autosuffisant. Écoutez, je me souviens que quand j'étais petite, je pouvais passer des heures et des heures assise au bord d'un lac à ne faire rien d'autre que le regarder. Et j'ai encore cette tentation aujourd'hui, plus guère le temps, mais il faudrait que je cède à cette tentation. C'est vrai que regarder l'eau, être en présence de l'eau, apporte un contentement. C'est l'un ou l'autre parce que ça attire aussi. C'est ça. Il y a souvent une mélancolie qui vient de la contemplation d'un lac ou de l'eau dont on perçoit la vase en dessous. Mais la mélancolie peut être un contentement très agréable aussi. Ouais. Est-ce que c'est le sentiment de l'existence que décrit Rousseau? En tout cas, ce que le texte nous dit, et c'est intéressant de l'entendre maintenant, c'est que peut-être cet état que vous décrivez au début de la métaphysique des tubes, l'état de bébé, qui est similaire à celui de Dieu, peut se retrouver plus tard dans l'existence. Chez Rousseau, c'est vers la fin de sa vie qu'il retrouve ce sentiment-là. Eh bien, ne désespérons pas. Quand je serai donc à la fin de ma vie, je retrouverai ce contentement. J'y aspire grandement. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus éprouvé. Et vous pensez que c'est une question de choix, une question de caractère? Rousseau est la personne la plus malheureuse au monde, hein, lorsqu'il écrit ça. Il s'est retiré, il se sent persécuté. Le malheur n'est jamais absolu. Le malheur est toujours entrecoupé de moments de grâce, de même que le bonheur n'est jamais absolu non plus. C'est vrai que Rousseau est un caractère très torturé. Je ne peux certainement pas prétendre au même caractère. J'ai du bonheur tous les jours, j'ai du malheur tous les jours aussi. Mais c'est vrai que je crois que, surtout à la fin de sa vie, vient un moment où on choisit. Je pense ne pas avoir atteint encore ce moment-là, mais je veux croire que viendra un moment où je choisirai, je ne sais pas quoi au juste, mais où je choisirai une voie peut-être plus paisible que celle-ci. Mais en tout cas, ça laisse entendre qu'il y a comme une sorte de boucle dans l'existence, que le début et la fin peuvent se, si ce n'est se rejoindre, du moins se ressembler. Comme si ce qu'il y a entre les deux, d'ailleurs c'est très drôle, la dernière phrase de votre livre, hein, c'est ça, c'est ensuite il ne se passa plus rien. Il ne s'est plus rien passé. C'est exactement ça. Je suis dans la phase où il ne s'est plus rien passé. Oui, il se passe deux, trois trucs pas inintéressants, mais les choses vraiment métaphysiques de la vie ont lieu quand on est bébé. Et je veux le croire quand on est vieux, c'est-à-dire aux deux stades de la vie que Kierkegaard identifie au stade esthétique absolu et puis au stade religieux. Entre les deux, il y a le stade éthique qui en effet est le stade le moins intéressant de l'existence. Bon, c'est pas nul, ça m'a permis de vous rencontrer par exemple. Mais vivement le stade religieux qui peut-être me fera rejoindre l'absolu des origines. Peut-être que je le connaîtrai pas non plus, hein, peut-être que je vais tout à fait passer à côté. Donc ça veut dire que le milieu c'est de l'ennui? Non, c'est pas de l'ennui. C'est la vie où on est en interaction avec autrui, où on peut se faire comprendre, où on est tel ou tel personnage. Mmh. Il est certainement beaucoup plus intéressant de cesser d'être un personnage, même si ce personnage est vrai, n'a rien de factice, mais il est beaucoup plus intéressant de revenir à l'absolu des origines. Mais c'est paradoxal parce que ce que vous dites laisse penser que finalement c'est presque la suspension de l'existence qui vous intéresse et pourtant vous passez votre vie à écrire. Il faut écrire, c'est créer, c'est produire, ce sont vos bébés, dites-vous, au sens vraiment fort du terme. Il faut quand même un peu aimer la vie pour avoir autant envie de créer. Mais j'aime la vie et j'aime beaucoup la vie qui est la mienne. Je l'ai choisie comme ça, elle me plaît. Mais je pense que ça ne va pas durer éternellement. Bon, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain, mais je pense que même avant la mort, il y aura une autre phase que je ne peux pas encore identifier, mais j'ai du mal à imaginer. Je me trompe peut-être complètement. Peut-être que je vais, comme Molière, mourir en écrivant. Mais j'ai l'intuition que non. Cette intuition est peut-être fausse. Donc vous n'avez pas peur de la mort? Alors là, pas du tout. Et même, je l'attends. Je ne ferai rien pour la précipiter, hein, parce que la vie est intéressante aussi. Puis précipiter la mort, c'est toujours une erreur. Mais autant la mort des autres me terrifie, autant ma propre mort me paraît une chose absolument fascinante. Je suis limite impatiente. Mais une fois que vous serez mort, vous ne serez plus là pour voir ce qui se passe. Mais c'est ce que nous verrons. Ah, vous avez un doute là-dessus? Je ne sais pas. Je ne suis pas plus éclairée que n'importe qui sur la question. La seule chose dont je suis absolument sûre, c'est que être mort est très très intéressant. Et est-ce que vous pensez que vous écrivez, vous faites autant de livres de bébés pour c'est une manière de rester en vie après votre mort, de ne pas complètement disparaître? Ça, c'est le dernier de mes soucis. Ça, vous pouvez me croire, c'est le dernier de mes soucis. C'est la manière que j'ai trouvé de vivre. Je veux croire qu'il en existe d'autres et certainement des bien meilleurs. Mais c'est pas du tout dans un but d'éternité. Tant mieux si ça m'apporte une forme d'éternité, mais c'est pas le but. C'est pas votre souci? Non, ce n'est pas mon problème, pour le coup. On va entendre une dernière voix ensemble, Amélie Nothomb, une voix de quelqu'un que vous avez connu, qui semble dire que le pire moment de la vie, c'est pas le moment où on commence à parler, c'est pas l'enfance, ce serait sans doute l'adolescence. Écoutez. Quand j'étais une petite fille, je voulais écrire, effectivement, c'est vrai. Mais c'était parce que je désirais que moi aussi, j'ai fait un texte qu'on donnait comme dictée aux écoliers dans les écoles. C'était mon rêve. Je voulais être une bonne élève et je voulais qu'on donne mes œuvres en dictée dans les écoles. Mais en fait, c'est quand même l'adolescence qui est la partie terrible. L'adolescence est une chose affreuse. Moi, j'ai des souvenirs épouvantables de l'adolescence. Je crois que plus elle est affreuse, plus on essaye de pas la quitter pour arriver quand même à en tirer quelque chose. J'adore cette phrase. Plus elle est affreuse, plus on essaie de ne pas la quitter pour essayer quand même d'en tirer quelque chose. Jacqueline Hartmann. C'est Jacqueline Hartmann. Extraordinaire. Qui est-elle? C'est une romancière belge qui est morte, mon Dieu, il y a une dizaine d'années. Et que j'adorais aussi bien comme romancière que comme femme. C'était une femme très, très impressionnante, qui parlait comme un mage, comme ça, qui était très ferme, pas du tout comme moi. Elle savait les choses, elle n'hésitait jamais. Elle a laissé des livres absolument incroyables, comme « Le bonheur dans le crime ». Oui, elle a repris le titre de Barbette d'Orvilly, qui était son livre préféré, pour donner sa version des choses, qui était juste hallucinante. Elle a écrit « La plage d'Ostende », elle a écrit « Orlando », donc elle reprend « Orlando » de Virginia Woolf pour en faire le contraire. Elle avait un humour extraordinaire, c'était une femme tellement géniale. Elle était psychanalyste également. Oui, alors je n'ai pas bénéficié de ses services, mais j'ai connu des gens qui étaient ses patients et qui me disaient qu'elle était mais incroyable, j'en suis sûre. Merci beaucoup Amélie Nothomb d'être venue ce matin nous Merci parler. Merci Adèle, c'était génial. De vos bébés, de votre bébé Métaphysique des tubes, lisez Métaphysique des tubes, chers auditeurs, si vous ne l'avez pas encore fait. C'est vraiment extraordinaire, de limpidité, extrêmement drôle. Et puis, je l'ai suffisamment dit au cours de cette émission, c'est de la nourriture pour penser philosophique. Hein. Vous voyez, on a parlé de Spinoza, on a parlé de Rousseau. Marianne Chaillant a consacré un livre à votre travail, ainsi philosophait Amélie Nothomb, aux éditions Albin Michel également, où elle parle beaucoup de Heidegger, qui serait en lien avec votre travail. Bon, chacun son philosophe. Livre extraordinaire. Le livre de Marianne oui. Chaillant. Ah oui. Ouais, je recommande chaudement la lecture. Il y a ici Amélie Nothomb de A à Z, Portrait d'un monstre littéraire. Et puis, bon, vos ouvrages, une trentaine, vous l'avez dit, c'est ça ? 30 publiés, bientôt 31, puisqu'Albin Michel a accepté le nouveau. Ah, mais il vous a déjà refusé Il m'a déjà refusé 3 textes. Ah bon ? Donc, vous voyez, c'est un véritable suspense. Et on va se quitter avec une chanson que je crois vous aimez bien, une chanson de Björk. Oui. Effectivement, Björk, on comprend qu'elle fasse partie de votre univers. Oui. La chanson s'appelle Yoga. Ah, j'adore cette chanson. Pourquoi ? C'est une chanson dans laquelle elle parle à sa meilleure amie et... Je voudrais être capable de dire des choses pareilles à ma meilleure amie. Ben, on l'écoute. Oui. All these accidents that happen follow the dart. Coincidence makes sense. Only with you, you don't have to speak. I feel emotional. Landscapes, they pass on me. The riddle gets solved, and you push me up to this state of. Inside of me, every nerve that hurts, you heal deep inside of me. Ooh, you don't have to speak. I feel emotional landscapes, they pass on me. A confused child. Il n'y a qu'une seule façon d'écrire, dites-vous Amélie Nothomb, c'est de s'y mettre. Un meilleur conseil à donner à quiconque voudrait écrire et bien de vous écouter. Je donne ce conseil tous les jours. Eh bien, allons-y. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment la politique utilise-t-elle l'histoire ? Chacun voit aujourd'hui, peut-être plus encore que jamais, qu'il y a un enjeu politique de l'histoire, qu'il y a une contestation politique, non seulement des faits historiques. Ont-ils eu lieu? Comment les attester? Comment les vérifier? Il y a parfois, même sur les faits les plus communs, les plus avérés, ce qu'on appelle des révisions, voire des négations, des révisionnismes ou des négationnismes. Mais il y a aussi une contestation sur les cadres mêmes de l'histoire. Qui est légitime pour établir les faits ou pour raconter l'histoire? Et même parfois, sur les objets